Si vous vous souvenez bien, il y a deux semaines, nous avons commencé nos études dans la lettre de Paul aux Colossiens. Et on avait préparé le manuscrit, okay, pour faire semblant qu'on est à Colosse et on lisait un manuscrit comme les Colossiens ont lu un manuscrit. Donc, si vous voulez avoir une copie, OK. Nicolas, peux-tu les distribuer pour moi, pour ceux qui n'ont pas? Voilà. Et Sandy a déjà lu pour nous le paragraphe, mais pour vous situer sur notre manuscrit pour aujourd'hui, si vous voyez dans la première colonne, vous voyez le mot « aussi » et nous allons, on ne va pas le relire, mais on va étudier de ce mot « aussi » depuis le jour où nous avons entendu et nous allons travailler jusqu'à le deux petits poèmes où ça dit « il nous a arrachés et étant unis à lui ». Donc, c'est ça que nous allons travailler comme texte ce matin. Mais avant de commencer, prions ensemble. Oh Seigneur, nous te remercions ce matin pour Romuald, pour Pierre, pour Martin, pour Moïse, qui nous ont invités dans ce beau temps de célébration collective de ton nom et du fait que tu es, oui, incomparable. Et nous voulons le confesser collectivement et à haute voix ce matin. Et maintenant, Seigneur, après ce temps de louange et de partage et de prière les uns pour les autres, maintenant nous arrivons devant le texte. Et Seigneur, nous demandons deux choses ce matin. Seigneur, nous te demandons de nous éclairer. Libère ton esprit pour que nous puissions bien comprendre ce petit texte. Et deuxièmement, Seigneur, nous ne voulons pas simplement le comprendre, nous voulons le mettre en pratique. Donc, Seigneur, anime-nous par ton esprit pour que nous puissions comprendre et agir selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez sûrement reconnu ce matin, lorsqu'on a lu le texte, et même Paul le dit, aussi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier pour vous. Et Sandy nous a invités dans une prière collective ce matin. Et c'est exactement ça que nous voulons explorer dans notre texte ce matin. Mais avant de commencer, permettez-moi juste de dire trois choses de façon préliminaire. Tout d'abord, ce texte est écrit dans la première personne plurielle. C'est écrit dans le « nous ». Et nous, le 23 septembre 2012, nous avons un petit problème avec ce « nous ». Parce que lorsque nous pensons en fonction de « nous », nous pensons en fonction de Sandy, Pierre, Romuald, Martin, Carlos, etc., etc. Et tous ces « tu » ou « je » deviennent un « nous ». Mais de penser que nous faisons un est une difficulté pour nous. Parce que nous sommes une société d'individus. Et c'est les individus qui font un nous. Mais à l'époque de Paul, le nous prédominait sur le je. Donc, autant que possible ce matin, nous allons parler dans le « nous », dans ce sens que nous sommes une communauté. Et Paul, en communauté, comme on a vu à Rome, quand il a écrit la lettre, et il était là, comme on a vu il y a deux semaines, avec Timothée, avec Aristarque, avec Epaphras, avec Démas, le « nous » à Rome qui a écrit la lettre, écrivait à une autre « nous » qui était à Colosse. Donc, forçons-nous ce matin de penser dans la collectivité, dans le corporel. Parce que ce matin, nous allons regarder une prière pour la collectivité. Pas simplement pour tous les individus qui faisaient partie de cette collectivité. Le texte, comme on voit, première colonne, en bas de page, Paul commence ce paragraphe en disant « aussi ». Et on appelle ça une conjonction. Je vais vous rappeler de votre grammaire de la langue française de l'école primaire. Et que fait une conjonction? Une conjonction, c'est comme la colle qui lie un paragraphe avec une autre. Donc, le paragraphe précédent, Paul a parlé de Epaphras et les nouvelles que lui, il a données à Paul sur cette communauté à Colosse, cette communauté qui a été marquée par sa foi, son amour et sa foi, qui était reconnue comme une communauté qui portait du fruit par ses actions. Epaphras était un homme dédié pour le bien-être de cette communauté. Et maintenant, Paul dit aussi, à cause de ce qu'il a entendu, à cause d'Epaphras, maintenant, Paul dit, c'est parce que Dieu était à l'œuvre en vous, depuis qu'Epaphras m'a mis au courant de vous, à cause de ce que j'ai appris sur votre foi, votre amour et votre foi, moi je prie avec confiance. Avec mes collègues ici à Rome, nous prions avec confiance pour vous. Et ce matin, nous allons regarder comment Paul priait. Qui veut dire que lorsqu'on arrive à la fin, moi, j'aimerais vous proposer que dans cette prière collective, Paul et son groupe, pour les Colossiens, c'est exactement la façon que nous pouvons prier les uns pour les autres dans notre collectivité. Pour ainsi dire, nous avons un modèle, un exemple sur comment prier pour notre communauté. C'était la pratique de Paul de prier. Et même lorsqu'il dit ici, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, le verbe ici souligne que Paul a pris une décision consciencieuse. Paul a pris une décision délibérément. Paul avait comme habitude de intercéder, de prier pour les communautés comme Colossiens. Et Paul a bien compris, et ceci, on va le voir en deux semaines, Paul a vu la prière comme une partie intégrale du projet de Dieu, de la stratégie de Dieu pour l'humanité. La prière n'était pas simplement un petit addendum, un petit après-pensée qui faisait, à la fin de la journée, pour les communautés. La prière comme celle-ci faisait partie intégrale de comment il a compris le projet de Dieu et comment il a agi. Donc, qu'est-ce que Paul a fait? Regardez ce qu'il dit. Nous ne cessons de prier pour vous. Nous lui demandons, et regardez le cœur de la prière de Paul pour les Colossiens. Le cœur de la prière de ce groupe de Paul à Rome, pour l'Église à Colosse. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Toute une prière. Mais qu'est-ce que Paul voulait communiquer par le cœur de cette prière? Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, Paul voulait que les chrétiens à Colosse, cette collectivité, soient remplis. Remplis de quoi? On y arrive dans un instant. Mais le verbe ici veut dire que ce n'était pas la responsabilité des Colossiens de se remplir. Paul communique très clairement ici, c'est que c'est Dieu qui va les remplir. Et Dieu va pouvoir. Mais comment est-ce qu'ils vont être remplis? Ils vont être remplis dans la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse spirituelle et connaissance. Wow! Maintenant, l'idée ici, c'est le focus, le cible, le noyau de cette plénitude, de ce remplissage. C'était la connaissance de Dieu. Mais encore, nous avons un problème. Parce que lorsque nous utilisons le mot « connaissance », nous pensons en fonction de données, de faits, d'idées. Mais ça, ce n'est pas le mot que Paul utilise ici. Ce n'est pas le mot « gnosis » ou « gnosko » dans le texte original. Ce n'était pas une connaissance de faits. Parce que Paul a ajouté un petit préfixe ici, qui veut dire « je veux que vous ayez une connaissance intime, pas une connaissance sur la volonté de Dieu, mais une connaissance de Dieu. Je ne veux pas que vous amassiez autant de données et de détails sur Dieu, non, je veux que vous ayez une relation intime avec lui, une connaissance d'intimité. Et, Paul dit, je veux que cette connaissance intime, cette relation intime avec Dieu, soit encadrée par la sagesse spirituelle et le discernement. La sagesse spirituelle, c'est une sagesse où nous savons comment prendre des bonnes décisions pour des bonnes raisons et agir ainsi. Et le discernement, c'est cette capacité de démarquer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, si par exemple, pendant notre temps de partage, Gilles a dit, priez pour moi parce que, et il a parlé de comment il entend Dieu ce temps ici, et comment il veut agir, mais ça, peut-être ça va prendre du temps. Il a dit, priez pour moi. Gilles nous a demandé de prier qu'il puisse avoir du discernement. Mais quand Nicolas nous a demandé de prier pour sa tante, il voulait avoir la sagesse sur comment bien communiquer avec une dame qui est malade. Et nous avons deux parfaits exemples de comment on devrait prier les uns pour les autres. Que nous soyons remplis, débordants, prévadés, comme disent les gens, full de cash. Mais avec, pas simplement les données, pas simplement les détails, mais avec une relation qui est démarquée par la sagesse animée par l'esprit et le discernement dans toutes les choses. Mais cette prière de Paul n'est pas finie. Parce qu'il dit, juste à la fin de cette partie, il dit, « Aussi, vous pourriez avoir une conduite digne du Seigneur et lui plaise à tous égards. » Le but d'être rempli de cette relation intime sur Dieu, c'est pour que nous puissions marcher, nous comporter, nous conduire d'une façon qui est alignée avec cette relation intime. Pour ainsi dire, la prière de Paul pour les Colossiens, c'était pour que qui nous sommes se traduit dans ce que nous faisons. Et Paul a bien choisi ces mots ici. Quand le texte dit que nous pourrions avoir une conduite digne du Seigneur, Paul connaissait bien les villes de la cité, des cités romaines. Paul connaissait bien les villes de l'Empire romain. Et dans ces villes, il y avait toutes sortes de statues. Certains monuments dédiés aux grands politiciens comme César, comme Marc Aurèle. Il y avait d'autres monuments dédiés à toutes sortes de dieux, pluriels, et déesses de l'Antiquité. Et en dessous de chaque monument, de chaque statue, il y avait une phrase écrite souvent en latin ou en grec, digne de cette personne. Et Paul a dit, non, non, non, Nous ne voulons pas être dignes de César ou dignes de Marc Aurèle ou dignes de telle ou telle déesse ou de tel ou tel Dieu. Nous voulons marcher d'une façon digne de notre Créateur. Paul voulait que notre comportement et notre relation et notre connaissance s'alignent avec ce Dieu qui est digne de notre adoration. Ça, c'était la prière de Paul. Il y a quelques années, il y a beaucoup d'années, j'habitais à Ottawa et j'ai développé une amitié avec un monsieur et il est toujours mon ami. Mais il m'a dit, parce que je fréquentais son église, il était le pasteur de l'église que je fréquentais. Et après que Sandy et moi nous sommes mariés, on a continué de fréquenter cette église. Il m'a dit à un moment donné, il a dit, Glenn, si tu veux agir comme un chrétien, il faut penser comme un chrétien. Pour ainsi dire, le coco a des conséquences tangibles sur le comportement. Nous savons bien, dans le monde de l'informatique, quelle est la petite devise? Garbage in, garbage out. Si tu programmes mal l'ordinateur, qu'est-ce qui va sortir? Exactement. Sandy, un de nos amis a installé quelque chose sur l'ordinateur de Sandy cette semaine parce qu'elle travaille à l'École de théologie évangélique de Montréal. Mais quand notre ami a installé quelque chose sur son ordinateur, il l'a mal installé. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? La machine, elle est lente. Garbage in, garbage out. Mes amis, c'est la même chose. Si nous ne sommes pas remplis de cette connaissance intime de Dieu, cette relation intime avec lui, pour que nous puissions marcher alignés avec sa personne et ses buts, devinez ce qui arrive. On arrive crash. On détourne de sa volonté. On ne fait pas ce qu'il veut. Et Paul a commencé. Il a dit, oui, j'ai entendu parler de votre foi, de votre amour, de votre espérance. Oui, Epaphras m'a dit que vous portez toutes sortes de fruits. Oui, je suis content. Et est-ce que Paul a dit, OK, applaudissons. Non. Paul a dit, je ne cesse de continuer d'intercéder pour que ce qui entre se traduise dans vos actions. Pas de distinction. Pas de décalage, pas de dissimulitude. Qui on est et ce qu'on fait est imbibé, pervadé, rempli de Dieu. Et mes amis, voici comment nous pouvons nous prier les uns pour les autres. Parce que Paul veut que collectivement, que les gens à Hochelaga nous voient et disent, et voici les gens qui ne sont pas hypocrites. Voici les gens, ceux qui disent et ceux qui font, c'est un. Voici les gens qui sont dignes d'être nos voisins et nos voisines. Lorsqu'ils nous voient, ils ne voient pas un bâtiment sur une promenade, mais ils voient une communauté qui est vraiment une communauté de confiance. Et nous savons que ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de Dieu qui nous remplit et qui nous dirige. Mais Paul n'a pas arrêté. Parce que, afin de souligner comment prier cette prière, Paul ajoute, maintenant, je retourne à notre grammaire de la langue française de l'école primaire. Paul ajoute ce qu'on appelle quatre participes. Participe écrit au présent. Maintenant, que fait une participe en français? Un participe, c'est un verbe comme portant, croissant, étant reconnaissant, qui décrit l'action du verbe principal. Donc, un exemple. Je n'ai pas d'exemple. J'aurais dû inventer. Cindy, donne-moi un exemple. Ou Martin, toi, tu es un prof. Marchant sur la rue, je choisis. Voilà, voilà. OK, exactement. OK. Marchant sur la rue, j'ai vu un ami. OK? Quel est le verbe principal? J'ai vu mon ami. Comment est-ce que j'ai vu mon ami? En marchant sur la rue. Donc, l'action principale n'est pas le marché, c'est de voir. OK. L'action principale dans la prière, c'est d'avoir cette connaissance intime de Dieu où je marche d'une manière digne de lui. Maintenant, pour arriver, Paul ajoute quatre participes, quatre marchant sur la rue. Quels sont-ils? La première, Paul dit, portant du fruit, donc si vous regardez dans le texte, ça dit, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. OK, ça c'est la première. Mais dans le texte original, c'est pas un verbe principal, mais c'est une participe. Donc, la première chose que Paul dit, portant du fruit en toute œuvre bonne. Donc, Paul dit, si vous allez être rempli de la connaissance de Dieu afin de marcher comme il veut, tout d'abord, il faut porter du fruit. Et Paul dit, je vais prier pour ça. Le porter du fruit a été décrit dans le paragraphe précédent. L'amour, la foi et l'espérance. Et Paul dit, je vais prier que vous portiez plus de fruits, plus d'amour, plus d'espérance, plus de foi. Et Paul dit, ça c'est votre vocation. Ça c'est votre appel. Paul ajoute maintenant un deuxième. Croissant dans la connaissance de Dieu. Et Paul, il fout des fois quand il écrit. Je prie que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu. Et la façon d'y arriver, c'est de le connaître davantage. Donc, c'est comme Paul dit, je prie pour ça. Et la façon que je vais prier que vous le connaissiez davantage. C'est comme Paul met un superflu sur un superflu. Le troisième, il dit, dans notre texte, il dit, « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et préserver jusqu'au bout, et cela avec joie. » Donc, le troisième participe, Paul dit, « Je veux que vous soyez fortifiés, responsabilisés, fortifiés. » Et d'où vient cette force, selon Paul? De la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et Paul va le dire en Éphésiens, que le même pouvoir, la même puissance qui a ressuscité de Jésus d'entre les morts, c'est disponible pour vous et moi. Et Paul dit ici, afin d'arriver à cette connaissance intime, je veux que vous soyez fortifiés par la même puissance qui a fait ressusciter Jésus d'entre les morts pour que vous puissiez supporter et en même temps persévérer. Et mes amis, dans la vie, des fois, souvent, ça va mal. C'est tough. C'est pas facile. Et des fois, on a le goût de lancer la serviette et de dire, écoute, ça vaut pas la peine. Hey. Et juste rappelez-vous, comment avons-nous prié les uns pour les autres? La vie n'est pas toujours une vie sans nuages, où le ciel est parfaitement bleu. Souvent, il y a la turbulence. Et dans le troisième aspect, le troisième participe que Paul ajoute, afin d'être rempli de la connaissance de Dieu, afin de marcher d'une manière digne de lui, afin d'y arriver, il faut faire face à la vie en pleine face. Et afin de faire face à la vie en pleine face, il faut supporter et préserver. Et afin de l'avoir, on a besoin de la puissance de la résurrection de Jésus dans nos vies. Et Paul dit, je prie que vous puissiez être fortifiés, responsabilisés, autonomes en Jésus-Christ, afin de faire face à la vie. Mais regardez comment il termine ce troisième aspect. Et cela avec joie. Parce que quand les choses vont mal, je dis, OK, Seigneur, fortifie-moi, je vais tout supporter, je vais préserver, je vais grincer les dents, Seigneur. Et Paul dit, Glenn, si tu as la puissance de la résurrection en toi, afin d'être fortifié, afin de tout supporter et tout et préserver, Glenn, arrête de grincer les dents. Souris. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et de la même façon, Paul est avec nous en tant que communauté. Des fois, on dit, ben, écoute, on est une petite église. Hochelaga, et tout le monde sait, hey, ça va mal ici. Hey, c'est pas facile. Hey, le terrain est difficile. Le monde n'aime pas trop la religion ici et la foi chrétienne, oh boy, ça va mal. On est mieux de ne rien dire. Écoute, on est né pour un petit pain, donc on va être bien. Et Paul dit, non, non. Dieu, il veut vous fortifier. Il veut vous remplir avec ce même pouvoir pour que vous puissiez persévérer et tout supporter. Et quand vous êtes comme ça, quand vous avez cela, vous allez avoir une connaissance intime pour moi. Vous serez capable de marcher d'une digne, manière digne de moi. Et mes amis, vous pouvez le faire avec un sourire sur votre visage. Parce que pensez-y, qui veut faire partie d'un groupe qui grince les dents tout le temps? Est-ce que vous voulez faire partie d'un groupe où tout le monde dit « ça va mal »? Bon, ça va pas bien, c'est... Non, est-ce que vous voulez faire partie de ça? Non! Vous voulez faire partie d'une communauté qui est accueillante, qui s'aime, qui prend soin des uns des autres et qui réalise les projets que Dieu veut réaliser, malgré les difficultés qui font partie de la vie. Donc, pour ainsi dire, on peut, ce matin... Décider, est-ce que le tasse est moitié plein ou moitié vide? Et Paul dit dans sa troisième participe, mes amis, la tasse est plus que moitié plein, avec joie. Et maintenant, il arrive pour le quatrième et il ajoute, il dit maintenant, donc, afin d'avoir cette connaissance intime sur Dieu, en toute sagesse spirituelle et discernement, afin de marcher d'une façon qui est alignée avec sa personne, afin d'y arriver, il faut, oui, porter du fruit. Je vais prier pour ça. Il faut croître dans votre connaissance de Dieu. Je vais prier encore pour ça. Il faut que vous soyez responsabilisés et fortifiés afin de faire face à la vie. Et il faut rendre grâce à Dieu. Il faut que vous soyez ensemble pour chanter comme nous avons chanté ce matin. Pour être capable de dire, oui Dieu, malgré tout, tu es incomparable. Et nous allons dire merci ensemble sur qui tu es. Et Paul dit, ces quatre participes, lorsqu'on prie ça les uns pour les autres, ça va complimenter la requête primaire, qui est de connaître Dieu intimement et marcher comme lui il veut. Maintenant, comme j'ai dit, des fois quand Paul écrit, il est malade et il en ajoute. C'est comme, ben, il n'était pas à un clavier, mais il est sur son clavier et il est tellement ému par la façon qu'il prie pour les gens qu'il en ajoute. Et maintenant, à la fin de ce petit texte, il donne trois raisons pour lesquelles il prie cela pour les gens. Regardez ce qu'il dit. Il dit, OK, vous exprimez votre reconnaissance au Père qui vous... OK, donc ça, c'est le quatrième participe. En rendant grâce au Père. Donc, ça, c'est le quatrième participe. Maintenant, il commence la première raison. La première raison pour laquelle il prit ça, parce que vous avez un héritage qu'il a réservé dans son royaume de lumière à ce qui lui appartient. La première raison pour laquelle il prit ça pour la communauté, c'est parce qu'ils ont une participation dans un héritage. Ils ont une espérance dans l'avenir, mais une espérance qui est maintenant transportée ici. Imaginez, lorsque nous avons décidé de suivre Jésus, comme on a vu avec l'espérance il y a 2 semaines, oui, c'est quelque chose dans l'avenir, mais c'est quelque chose que Dieu a approprié pour nous aujourd'hui. Mon espérance ne commence pas quand je meurs. Mon espérance est aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus, en priant pour ses disciples et priant pour nous, il dit, « Je prie que vous puissiez connaître la vie éternelle. » Et c'est quoi la vie éternelle? De connaître Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Donc, si vous avez décidé de suivre Jésus, vous avez la vie éternelle maintenant. La première raison pour laquelle Paul prie cette prière, c'est parce qu'ils ont un héritage. Ensuite, il ajoute, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres pour nous avoir fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Deuxième raison pour laquelle il prie cette prière, c'est parce que nous avons une libération des ténèbres. On est déchaînés. On est maintenant dans le règne de la lumière. Et finalement, il ajoute, et étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. La troisième raison pour laquelle il prie ceci, c'est parce que nous avons une rédemption et un pardon des péchés. Donc, 3 raisons pour lesquelles Paul prie sa prière. Nous avons un héritage, nous avons une libération des ténèbres, et nous avons la rédemption et le pardon. Et à cause de ces 3 réalités, Paul prie. Et il prie sans cesse. Donc, ce matin, comme point d'application, nous allons prier cette prière pour nous. Donc, les petits bouts. Nicolas, toi, tu vas prier ça. OK? Pierre, toi, tu vas prier ça. Oh oui, c'est vrai. OK. Donc, Nicolas, toi, tu prends ça. OK. Lisa, veux-tu prier? OK. Ça, OK. Ensuite, Annie. Lisa. Oh, t'es pas lunette. OK. Voilà. OK. Voilà. Voilà. Romuald. Martin. Carlos. Voilà. OK. Donc, 2 points d'application ce matin. Tout d'abord, on va prier la prière. Donc, voici ce que je suggère. On va commencer avec Sandy. C'est toi qui l'as? La première. Oh, c'est Nicolas. On va commencer avec Nicolas. Donc, lisez votre petit bout de phrase à haute voix et on va juste prendre 2-3 secondes et on va le méditer. Avant de passer au suivant. OK? Vas-y, Nicolas, prions. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous. Lisa. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance et de la volonté en toute sagesse. Intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes. sortes de bonnes œuvres et croissant à la connaissance de Dieu. En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable de voir part à l'éclat des saints dans la lumière. Délivré de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de ton amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Donc, mes amis, cette semaine, profitez de cette prière. Et prions cette prière les uns pour les autres, pour notre collectivité. Mais voici un deuxième point d'application. Paul dit, on prie cette prière pour que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour ainsi dire, qui on est reflète ce qu'on fait. Depuis un mois et demi, notre communauté, le conseil des dirigeants et le conseil de gestion, nous sommes en dialogue avec le Centre Jeunesse Emploi, Carrefour Jeunesse Emploi. Ils nous ont approchés à cause du travail que Sandy fait dans la communauté avec Carrefour Enfants et avec 200 portes et les différentes choses. Tout d'un coup, la méfiance qui existait à l'égard de l'Église est en train de changer. Et Carrefour Jeunesse Emploi et avec leur atelier Bon Débarras, qui est un travail auprès des 16-17 ans, les jeunes décrocheurs total. Et ils nous ont approchés. Pas nous, nous ne leur avons pas parlé. Ils sont venus nous voir. Et ils m'ont téléphoné, ils ont téléphoné Sandy et maintenant, ils nous ont rencontrés les deux comités parce que ils veulent faire un partenariat avec nous, avec notre bâtiment. Qui veut dire que nous allons avoir besoin de la sagesse spirituelle et le discernement sur comment utiliser nos locaux et comment faire un partenariat de plus dans le quartier. Donc, qui on est reflète ce qu'on fait. Et ce qu'on fait est une réflexion de qui on est. Mais pas simplement une personne, la communauté. Donc, nous avons besoin de prier pour notre communauté, pour notre quartier, mais aussi pour le rôle que nous avons en tant qu'Église, en tant que collectivité ici. Donc, priez pour la sagesse et le discernement spirituel dans un partenariat comme cela. Parce qu'il est évident que depuis un certain temps, la place de notre Église, la place de Très Saint Rédempteur, de cette Nativité, les autres églises dans le quartier, tout d'un coup, il y a un nouveau respect. Et nous avons une occasion d'être la lumière dans notre communauté. Donc, prions les uns pour les autres et prions pour Hochelaga cette semaine.